gens veulent te voir. Dans la lutte, plus bactère dans le noir. Alors, premier pas vers l'or, on avance toujours. La tête haute, droit devant, t'as collé une étiquette. Plus t'avances, plus les gens veulent te voir. Dans la lutte, plus bactère dans le noir. Alors, premier pas vers l'or, on avance toujours. La tête haute, droit devant, connaissant le barrage. Devant les blabla, les barbares, fais les choses. Si tu partages, amour, fais les causes. Mon cœur est un océan de trahison. Mon dos est blessé de mille proses. Je pourrais te parler de la prison, mais je veux hap. Partir loin, c'est puissant, mais je me tâte. Je voulais avoir famille à ma villa. 19 sous paria, justice et je me tape. Le destin m'a tatoué, magnifique. L'amour m'a tapé, jolie fille. À mon âge, c'est évident, j'ai gardé les dents et pas les gens. J'ai une étiquette, plus t'avances, plus les gens veulent te voir. Dans la lutte, plus bactère dans le noir. Alors, premier pas vers l'or, on avance toujours. La tête haute, droit devant, t'as collé une étiquette. Plus t'avances, plus les gens veulent te voir. Dans la lutte, plus bactère dans le noir. Alors, premier pas vers l'or, on avance toujours. La tête haute, droit devant, connaissant le parcours. Avec des filles d'une seule nuit. Que j'ai mal, que je vacille, vas-y, on va tous les baiser. Hardy sans vaseline, on s'accroche à ce qu'on a dans nous. La vie s'instant par les égaux comme Basile. Tu seras trahi, que tu le veuilles ou pas. Et si tu marches au pas, tes ennemis seront ébahis. Magique et la logique du truc. Même le flic c'est un fils. Moi t'as collé une étiquette, plus t'avances, plus les gens veulent te voir. Dans la lutte, plus bactère dans le noir. Alors, premier pas vers l'or, on avance toujours. La tête haute, droit devant, t'as collé une étiquette. Plus t'avances, plus les gens veulent te voir. Dans la lutte, plus bactère dans le noir. Alors, premier pas vers l'or, on avance toujours. La tête haute, droit devant, connaissant le parcours. Depuis la chasse à l'homme, je veux ma place à l'or. On me l'a bien volé, mais les chiens salent sa mort. C-H-A-R à la prod, le destin me fait du pire et je monte à bord. Je m'endors avec des filles d'une seule nuit.